danse dans l'amour de Jah. Vive dans l'unité non faya. Plus de valeurs humaines, toujours aya. Hey, aya, Bien en tom, ben en song, garafiangi, daraji, Harebu tambele, filepu jehe, génération, y harefi meti trire, sigi laskan, miséricordieux sera notre destin, miraculeux notre sort, faut qu'on abolisse le précipice, j'agonise assez, pourquoi rajouter, quand mon alentour harmonise à cette chaîne, j'ai, pourquoi me freiner mon allure de gêne, j'ai, à cette peine, pour faire face au déficit, à cette thème, pour faire face au précipice. Précipice, pas dans le précipice. Le précipice. Le précipice. Ne pousse pas dans le précipice. Le précipice. Le précipice. Cela fait tant d'années que j'essaie de ramer. Ne me remue pas le couteau dans la plaie. Ne me pousse pas dans le précipice. Mais yes. Laisse-moi grandir, trop de coups bas, trop de faux pas, trop de sanglots, trop de balles dans le dos. Crie ton dada, chante ton dada. Qu'il te protège, c'est Batman qui veut le freiner ta part. Crie ton dada, chante ton dada. Man, si t'es un jaloux, c'est toi que je combats. J'ai par les misères de la vie, je suis un real soldat. Aucun boy n'est pas manchou dans ma saga. Dieu me protège des russes, des envieux, du vice, des mauvais yeux. Nous avons tous besoin de toi, de moi pour affronter la tempête. Mais méfie-toi, mon frère, la jalousie rend les gens bêtes. Le rivage est proche, on peut y arriver. Puisqu'on est tous dans le même bateau, pourquoi le faire chavirer? Mais dans jour, l'envie consume les querelles, dérive à la haine et chacun, chacun sa chance et laisse-moi tenter la mienne, tente la mienne. A du mal à admettre que l'autre gagne, on est Thomas sa mallette. Et derrière les salamalek, il dissimule l'épine qui crée le malaise. Tu veux mon échec, tu guettes ma réussite. Tu ne m'en souhaites que la défaite, tu ne vas pas me stopper. Il y a trop de balles dans le dos. Suffit d'une graine de jalousie pour pourrir encore en vie. Tu veux ma défaite, fais gaffe à ma gâchette. Ma mission, tu ne peux l'arrêter. Ne me pousse pas dans le précipice. Peace.